que certains rêves, ça n'existe pas. Le paradis Hermès, ça n'existe pas. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. J'aurais pourtant voulu croire à toutes ces choses, mais la réalité souvent nous rattrape. Ne jamais tomber malade, ça n'existe pas. Une vie tranquille, ça n'existe pas. La fidélité, ça n'existe pas. Tout n'est que leur le bonheur, une illusion. Un jour, l'autre, tout s'effondre. J'aurais pourtant voulu croire à toutes ces choses.